Joseph Sabiyabandi. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Les partis Sawanya Fodebu et Sawanya Fodebu Nyakuli saluent les mesures de la Cour suprême du Kenya d'invalider les résultats de l'élection présidentielle. Le vice-président du parti Sawanya Fodebu estimait que le peuple burundais devrait exiger une justice indépendante à ses autorités. Et le président du parti Sawanya Fodebu Nyakuli, lui, estime que la justice burundaise devrait apprendre de cette expérience kenyane. La province de Ngozi projette d'en finir avec les couples en situation d'union libre avec la fin de l'année 2017. Depuis le début de l'année, plus de 22 000 couples ont été légalisés. Dans la même province de Ngozi, la direction provinciale est à l'œuvre pour préparer la saison culturelle A de l'année prochaine. Bienvenue à ce journal. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le parti Sawanya Fodebu Nyakuli salue la mesure de la Cour suprême du Kenya d'invalider les résultats de l'élection présidentielle. Kefani Bizi, président de ce parti, estimait que la justice burundaise devrait s'inspirer de cette expérience kenyane pour exercer dans toute indépendance. Aux politiciens burundais, il les encourage de se plier toujours aux décisions de la justice sans considérer quelles leurs sont favorables ou pas. On l'écoute. Nous saluons le fait que Raila Odinga, qui avait perdu les élections, a choisi bien de se tenir devant la justice au lieu de recourir à la violence. Nous avons également salué le courage de la Cour suprême du Kenya et qui, après avoir constaté des irrégularités, a invalidé ces élections, mais aussi le discours de Uhuru Kenyatta qui disait qu'il n'accepte pas cette décision mais qu'il respecte l'adhésion de la Cour et a appelé à la paix. Était un discours patriotique. Vous qui êtes des politiciens, quelles leçons tirez-vous de cette expérience kenyane? La première expérience que nous tirons de là, c'est cette attitude du président Sorotaro Kenyatta de respecter les décisions de la justice, même s'il est convaincu que ce ne sont pas des décisions judiciaires, mais que ce sont des décisions politiques, comme il l'a dit. Mais aussi, nous avons salué cette attitude de la justice qui ose prendre une décision à l'encontre d'un président en exercice. Il s'agit d'un courage qu'il faut renforcer partout en Afrique. Kefani Bizi, il est président du parti Sawanya Fodebu Nyakuli. Et le président et le parti Sawanya Fodebu saluent lui aussi la courageuse décision de la Cour suprême kenyane. Le vice-président de ce parti indique que le peuple burundais devrait exiger à ses dirigeants une justice indépendante comme celle du Kenya. Léon Sengenda Koumana explique que la non-validation des résultats de l'élection présidentielle dans ce pays a été possible parce que les magistrats de la Cour suprême ne sont pas nommés par le président de la République. On l'écoute. Les recrutements se font par les magistrats eux-mêmes. Ce n'est pas le pouvoir exécutif qui les nomme, qui les désigne comme ici chez nous. Donc la première leçon à tirer, c'est que nous devons laisser notre justice pour qu'elle soit réellement indépendante, pour que les magistrats, les juges désignent eux-mêmes leurs représentants et leurs dirigeants, pour que la carrière des magistrats et des juges soit gérée à la Cour suprême. Ça veut dire pour donner une autonomie de gestion administrative et financière à la Cour suprême, que ce soit effectivement comme le pouvoir exécutif, comme le pouvoir législatif, que ce soit un véritable pouvoir judiciaire. Quand la justice ne fonctionne pas dans un pays, il y a beaucoup de problèmes qui suivent. C'est notamment le fait que quand il y a un dérapage dans ces élections et que la justice ne fonctionne pas, on a constaté qu'il y a toujours des violences qui suivent. Donc, l'autre leçon qu'il faut tirer, c'est de permettre aux citoyens de s'exprimer librement et d'avoir une justice équitable, et cela contribue à la stabilisation du pays. Ça évite de plonger le pays dans des guerres qui détruisent les infrastructures sociales, les infrastructures économiques, les infrastructures techniques et qui sont à la base de la pauvreté, de la misère, du chômage et de la maladie. Il faudra que ça serve de leçon à la Cour constitutionnelle, si vous voulez, burundaise, à la Cour suprême de ce pays, mais aussi faut que ça serve de leçon aux différentes commissions électorales qu'on met en place de la base au sommet, que ça serve aussi de leçon aux hommes politiques au pouvoir et aux hommes politiques qui cherchent à accéder au pouvoir. Si on ne laisse pas la justice fonctionner quand vous êtes au pouvoir, vous croyez que vous êtes tout puissant, mais en réalité quand vous avez quitté ce pouvoir et que vous êtes soumis à cette même injustice, on l'a vu un peu partout, même ici au Burundi, ça devient très difficile. Alors, ça devrait servir aussi de leçon aux citoyens d'exiger qu'il y ait une justice indépendante pour qu'il y ait de l'équité. C'était Léon Sengenakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebu. Une fosse commune a été découverte ce vendredi à la colline Samouin, tout près du bureau de la commune Lugombo de la province Chibitoke. Ces restes humains ont été découverts par un homme qui a aménagé un terrain pour son chantier. Le conseiller principal du gouverneur de Chibitoke qui a été saisi sur le champ pour décider de quelle fin réserver à ses ossements indique que l'administration va collaborer avec la famille propriétaire de la parcelle pour procéder à leur enterrement digne. Et sur la page société, plus de 22 000 couples qui étaient en union libre ont déjà régularisé leur mariage en province Ngozi. Le contrôleur provincial d'état civil espère que cette entité administrative en finira avec les unions libres avec la fin de l'année 2017. Athanase Kivinakanwa indique que la pauvreté et le concubinage sont quelques-unes des causes de l'augmentation des couples en situation d'union libre. On l'écoute, il est au micro d'Alain Désiré Boukayeneza. Dans notre province, on avait enregistré jusqu'à maintenant les chiffres qui atteignent à 22 474 des couples unions libres. La grande majorité a compris l'avantage de l'égalisation des unions libres. Quelle stratégie avez-vous utilisée, d'autant plus que ces chiffres sont élevés? On a fait une sensibilisation. La sensibilisation a été faite par l'administration de base jusqu'à la province. Et quelles sont les causes de ces unions libres de temps plus élevées dans cette province? En principe, les causes majeures qu'on avait pu aussi relever, c'est la pauvreté. Mais après que la commune lance que les 2000 francs ont été abandonnés par la commune, les gens sont venus massivement à l'enregistrement de mariage. Et autre chose comme cause, c'est la concubinage. Et l'union libre, vous trouvez des hommes qui vivent ensemble avec leurs femmes sans régulariser le mariage. En fait, le travail que nous venons de faire, c'est un travail lancé par le gouvernement. Et les chances qu'on avait données pour 2017, dans notre province, je pense que plusieurs unions libres seront en mesure de régulariser tous les mariages qui sont enregistrés dans toutes les communes. C'était Athanase Kivinakanwa, le contrôleur provincial d'état civil Ngozi, qui était au micro d'Alain Désiré Boukayeneza. Sur la page agriculture, la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage dans la province de Ngozi dit qu'elle est en train de préparer la prochaine saison culturelle à le directeur de la DPA Ngozi indique que les agriculteurs vont commencer à payer la dernière tranche des vacances, des avances pour se procurer des engrais subventionnés dès ce lundi. Lazare Sagouyé fait savoir également que la production pour cette province avait aussi été bonne pour la précédente saison culturelle, vu que la situation de famine ne s'y était pas déclarée, contrairement à certaines provinces. Suivez-le. Dans cette province, la situation est en général bonne. Par exemple, pour la saison 2017B, la récolte a été très bonne, surtout pour le haricot, le maïs, la banane. Pour la saison C, c'était le taux du riz et la récolte a été très satisfaisante. Pour la saison prochaine, nous sommes en train de nous préparer. Par exemple, les agriculteurs ont déjà payé et l'avance pour le paiement des engrais subventionnés. Le 4 septembre, ils vont commencer à payer le solde pour que les engrais soient disponibles dans leur ménage. Les agriculteurs sont en train de chercher des semences de bonne qualité. Nous sommes en train d'entrer dans la saison 2018-A. Les gens ont conservé dans les champs des bouteilles de manioc et de patates douces qu'ils vont planter à la tombée des pluies. En tout cas, je vous dis que la population agricole de la province d'Ngozi est en train de se préparer minutieusement pour la saison agricole 2018-A. Le Tout-Puissant nous a aidé en ce sens que le climat était clément et la production a été bonne. La deuxième chose, ça a été le fait de l'administration des services techniques pour l'encadrement de la population sur la conservation des récoltes. La province de Ngozi, en ce qui est de l'agriculture, toutes les cultures y poussent. Pour la saison B, on cultive surtout le haricot et ça donne une très bonne production. Il y a aussi le manioc, il y a la banane. Ces cultures ont donné de très bonnes productions. Sans oublier le riz, lui aussi a donné une bonne production. De façon que cela nous a permis de résister à cette famine qui s'est manifestée dans beaucoup de provinces du pays. Lazare Sagouyé, il est directeur de l'agriculture et de l'élevage dans la province de Ngozi. C'est sur cette nouvelle en rapport avec l'agriculture que nous bouclons ce journal. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Les partis Sahwanyafrodebou et Sahwanyafrodebou Nyakuri saluent la mesure de la Cour suprême du Kenya d'invalider les résultats de l'élection présidentielle. Le vice-président du parti Sahwanyafrodebou estime que le peuple burundais devrait exiger une justice indépendante à ses autorités. Quant au président du parti Sahwanyafrodebou Nyakuri, il estime que la justice burundaise devrait apprendre de cette expérience kenyane. Et la province de Ngozi projette d'en finir avec les couples en situation d'union libre avec la fin de l'année 2017. Depuis le début de cette année, plus de 22 000 couples ont été légalisés. Dans la même province de Ngozi, la direction provinciale est à l'œuvre pour préparer la saison culturelle A de l'année prochaine. Et voilà, c'est sur ce que nous bouclons ce journal. Mais avant de vous quitter, je vous annonce que tout de suite, vous allez suivre la revue de la presse. Merci, bonne suite des programmes à la radio Isanganiro. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. Nous ouvrons cette revue hebdomadaire de la presse par l'hebdomadaire Iwachu qui a écrit sur un débat autour de la légalité des contributions pour les prochaines élections au Burundi. Le caractère légal de la contribution aux élections de 2020 trouve son fondement dans la constitution burundaise, à en croire le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Terence Nairaja, repris par Iwachu. Tout individu a le devoir de contribuer à la sauvegarde de la paix, de la démocratie et de la justice sociale, dit-il. Comme réaction, Phénias Nigaba du parti Frodebou, de même que Gabriel Roussili de l'Olucom, estime qu'il n'y a aucune base légale pour cette contribution. La contribution n'est pas du domaine de la loi. Par contre, Gilbert Bekonjangwa, président de l'association ONELOP, estime que la contribution financière pour ces élections rendra la souveraineté du peuple plus stable. Kefani Wizi du parti Frodebou Nyakuri dira pour sa part que le caractère obligatoire des contributions ne devrait pas être mis en avant. Nous allons sensibiliser nos militants sur le bien fondé de la contribution tout en privilégiant le caractère volontaire, dit-il. L'agence en ligne NetPress se demande si l'on va vers une demande de permission pour écrire un texto sur le smartphone. Un des journalistes de l'agence, Norbert Luchabihari, a en effet été arrêté dans la nuit du 30 au 31 août à l'hôtel Albatros par deux policiers de l'ancienne police judiciaire des parquets au motif qu'il était en train d'écrire des textos qui feraient mal au dos au pouvoir. Il a été conduit dans les enceintes de la police judiciaire, puis minutieusement fouillé avant d'être relâché après une trentaine de minutes. Le journaliste Norbert se demande si on doit demander la permission à la police pour écrire un texto sur un smartphone. Contacté par l'agence en ligne le lendemain, le porte-parole de la police a parlé d'un comportement qu'il faut décourager au sein de la police burundaise. Revue de la presse. Le lac Tanganyika va mal. C'est son patrimoine régional dont parle le magazine Burundi Echo dans un éditorial. Il va mal, ce deuxième long réservoir d'eau douce au monde est véritable joyau africain. Il souffre de pollution due notamment au manque de stations de traitement des eaux usées du côté burundais. Des déchets ménagers, des eaux usées provenant des usines ou des entreprises, des plantes envahissantes, la liste est exhaustive selon l'hebdomadaire. Sur les rives du lac, du côté burundais, le constat est sans appel. Les eaux de couleur noirâtre dégagent une odeur nauséabonde. Et Burundi Echo de se demander qui pourra sauver ce trésor englouti. Dans la ville de Bujumbura, qui abrite près d'1 million d'habitants, écrit-il, moins de la moitié des ménages sont raccordés à la station de traitement des eaux usées de Buterere. Burundi Echo éclaire aussi sur ce que l'on qualifie d'hausse des prix de l'électricité. Les informations qui circulent sur les réseaux sociaux sont à prendre avec des pincettes, écrit-il. Au moment où certaines informations qui circulent sur ces réseaux font état de la nouvelle grille tarifaire de l'électricité, la régie des eaux dément. Le directeur de l'électricité précise qu'il n'y a pas de hausse des prix pour le moment. Par ailleurs, il indique que la nouvelle grille tarifaire est en cours de préparation. Elle sera publiée le moment venu. Le directeur général de l'Agence de régulation et de contrôle des secteurs de l'eau potable, de l'électricité et des mines, cité par notre confrère, dit que la nouvelle grille tarifaire va être publiée à la fin des travaux de mise en place de la nouvelle centrale thermique de 20 MW. Une pensée pour nos chers disparus. La communauté des blogueurs Yaga rappelle des moments sombres de l'histoire. Le billet de blog se réfère au 30 août, une date où le monde célébrait la journée internationale des disparus. 1965, 1972, 1988, 1993 et plus récemment 2015, l'histoire du Burundi a connu bien des dates sanglantes avec leur lot de disparus. Le billet de blog rend hommage à tous ses proches dont on n'a jamais su le dernier sort. J'aimerais rendre hommage aujourd'hui à l'homme qui a quitté sa maison en 72 pour chercher de la nourriture pour ses enfants et qui n'est jamais revenu. À celui qui est parti après un coup de fil d'un ami en 93, laissant toute sa famille à la maison et qui attend toujours son retour. À ses enfants qui, à leur tour, ont déjà eu des enfants sans nouvelles de leur père depuis des décennies. Yaga se demande, je cite, « Quel était le crime de tous ces disparus ?» Chaque Burundais devrait s'interroger, renchérir le billet, avoir une pensée pour l'orphelin qui n'entendra plus jamais la voix de son père, ne connaîtra pas la chaleur des bras de sa mère, tous portés disparus. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse qui vous a été présentée par Léonce Bitalio. Excellent week-end à tous, à la prochaine. Revue de la presse.